Chapitre 291. L'interdiction pour l'homme de s'isoler avec une femme qui ne lui est pas interdite au mariage, qui ne lui est pas un mahram. Allah Ta'ala dit: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. Et si vous leur demandez, aux femmes du prophète, quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau. Sourate 33, verset 53. 1628. Selon Uqba ibn Amir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: prenez garde, ne vous introduisez pas chez les femmes. Un homme parmi les Ansar demanda: ô messager d'Allah, et s'il s'agit d'un hamou, c'est-à-dire un proche du mari comme son frère, son neveu, son cousin? Il répondit: le hamou, c'est pire encore. Littéralement, c'est la mort. Al-Bukhari et Muslim. 1629. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: ne restez jamais seul à seul avec une femme, à moins qu'elle ne soit accompagnée d'un mahram, le père, le fils ou tout autre parent avec lequel le mariage lui est interdit. Al-Bukhari et Muslim. 1630. D'après Buraïda, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: les femmes de ceux qui sortent au combat, les mujahides, sont comme les mères de ceux qui n'y vont pas. Tout homme resté à l'arrière, qui prend en charge la famille d'un mujahid et le trompe dans cette charge, se tiendra face à lui le jour de la résurrection. Ce dernier prendra alors de ses bonnes actions jusqu'à satisfaction. Puis le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se tourna vers nous en disant: que pensez-vous qu'il fera alors? Muslim. 1632.